Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. C'est bizarre comme des fois l'actualité ça nous rattrape. Aujourd'hui on est le 16 novembre 2015, le sujet dont on va vous entretenir, on l'a choisi il n'y a pas loin de 2 mois. C'est un bon sujet, sociétal et tout, qui va nous donner l'occasion de parler de jeux de société. Un sujet assez innocent somme toute. L'enregistrement d'aujourd'hui, on l'a programmé il y a 2 semaines, notre invité a un calendrier chargé, nous aussi, bref, on ne va pas vous la faire. En tout cas, on est le 16 novembre aujourd'hui, et même si tout était calé depuis déjà un moment, ça fait quand même bizarre. On va vous parler d'un lieu de vie, de fraternité, de détente et de plaisir. On va vous parler de ce truc assez français finalement, le bistrot. Aujourd'hui, on se demande si les bars ne sont pas les meilleurs endroits pour jouer. Alors ça, on va le faire avec Adrien, comme chaque quinzaine, et puis avec notre invité de ce numéro, Xavier. Xavier, est-ce que je peux te laisser te présenter ? Bonjour, bonsoir, je ne sais pas quoi dire. Je suis Xavier, oui, gérant de L'Heure du Jeu. L'Heure du Jeu, c'est un café-jeu à Rennes, ouvert depuis 3 ans déjà. Bon, on va commencer tout de suite avec cette. Alors, on va commencer avec des questions pour toi, et puis après, on étendra effectivement au sujet des bars et du jeu en règle générale. Qu'est-ce qui t'a amené à monter L'Heure du Jeu ? L'envie de trouver un lieu qui me manquait en arrivant sur Rennes, l'envie de trouver un droit de convivialité assez simple où le joueur occasionnel pourra trouver de quoi s'amuser et de quoi trouver des soirées divertissantes. C'est des modèles que tu avais déjà observé ailleurs, c'est pour ça que tu as voulu le monter comme ça ou c'est, parce que j'imagine que c'est pas une idée sortie du chapeau, le principe de bar à jeu existait déjà un petit peu avant, j'imagine que tu as eu des modèles, des inspirations. Et aussi pour compléter la question, est-ce qu'on peut préciser qu'est-ce qu'on trouve à l'heure du jeu ? Alors, je vais commencer par le modèle. Oui, effectivement, c'est des endroits qui ont pu compter dans ma vie antérieure. J'ai vécu sur Bordeaux et j'ai vécu à Rouen notamment, où dans lesquels je trouvais des structures comme celle-ci. On peut les citer. À l'époque, ça s'appelait Zeuzem à Bordeaux. Ça a fermé. Maintenant, ça s'appelle le Jeu Barjot. Il y a la Muse Café aussi à Bordeaux que je ne connaissais pas, qui sont des modèles assez proches de ce qu'on peut trouver à l'heure du jeu. Sur Rouen, il y en avait 2 également, Tapageux et le Stratagème, pardon. Des lieux auxquels j'ai pas mal fréquenté quand j'étais sur Rouen. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces lieux-là et dans le mien, L'Heure du Jeu ? On trouve un bar, somme toute assez ordinaire, avec des consommations de type bar, et une ludothèque en accès plus ou moins libre. Alors chez moi c'est gratuit, mais c'est pas le cas partout. Un accès libre de un certain nombre de jeux. Nous on en a un peu plus de 900 aujourd'hui. Ça peut varier selon les structures plus ou moins anciennes, toujours autour du millier de jeux généralement. Et donc des jeux et des animations autour du jeu de société. On est vraiment sur une pratique du jeu de société. On pourra en parler plus tard, il y a plusieurs types de jeux. J'allais attaquer la question de front. Justement, qu'est-ce que toi tu appelles jeu ? Parce que ça a quand même son importance. Voilà, je te laisse peut-être préciser. Alors, j'ai plus les définitions en tête, évidemment, puisqu'on pourrait parler de définition de jeu de société. Je pense que chez moi, ou pour moi, un jeu de société est un jeu à règles, un jeu où il y a plusieurs personnes qui jouent, un jeu dans lequel on va se retrouver autour d'une convention commune avec un enjeu. L'enjeu pourrait être, par exemple, de gagner, mais pas forcément. L'enjeu pourrait être aussi de passer un temps convivial, de communiquer, par exemple. Enfin, voilà. Mais un enjeu, un groupe et une règle commune. Le bar à jeu, c'est quelque chose qui est pas mal en essor depuis une poignée d'années, on va dire, en France, qui est suivi par une deuxième mouvance depuis un peu un peu moins longtemps, qu'on appelle les bars craft, qui sont des bars à jeux, mais plus orientés jeux vidéo. Je ne sais pas quel regard tu as là-dessus, parce que pour le coup, autant le jeu de société, effectivement, on imagine tout à fait la pratique à plusieurs, autant le jeu vidéo, elle est moins intuitive. C'est quoi ? C'est les descendants des cybercafés de la fin des années 90, début des années 2000, les bars craft ? Alors, je vais être très modeste pour répondre à cette question, être très humble. Je connais assez peu le modèle du Barcraft. J'y suis allé quelques fois parce qu'on a la chance à Rennes d'en accueillir un, enfin d'en avoir un. Pendant très longtemps, je pensais la même chose. Je pensais que le jeu vidéo était un plaisir solitaire, était un jeu individualiste et peu convivial. Je pense que je me trompais. Pour le vivre aujourd'hui différemment, non, ou pour le voir vivre plutôt, je pense que ça peut être un lieu, un moment, une occasion de partage et de communication. Je pense qu'on peut jouer ensemble, d'une part, on peut jouer l'un contre l'autre ou dans une même équipe, on peut partager une passion commune. Et le Barcraft a, je pense, aussi une notion supplémentaire qui est la compétition, compétition interbar, compétition internationale, retransmission de compétition avec des champions, on peut dire ça comme ça. Au même titre que depuis très très longtemps, certains bars diffusent des matchs de foot ou de rugby. Certes, tu ne joues pas au foot dans le bar, mais tu partages une passion commune. C'est intéressant qu'on évoque le bar craft. En fait, ça évoque aussi une certaine typologie de bar à jeu. Qu'est-ce que tu ressens, entre guillemets, comme bar à jeu ? Alors, ça, c'est très compliqué. Comment dire ? J'ai accueilli Aurélia Penet, je vais la citer parce qu'on parlait peut-être de référence. Aurélia Penet, et j'ai perdu sa co-auteur, a écrit un mémoire sur les bars à jeux. J'ai perdu à Cholet, en licence jouer à Cholet, où elle a fait partie d'une promotion il y a quelques années. Je pense qu'on pourrait différencier plusieurs typologies. En fait, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qu'un jeu ? Et à partir de là, on pourra définir le bar à jeu. Le bar, on pourra le définir assez facilement, c'est un lieu convivial dans lequel on va partager et consommer une boisson. Ça, c'est la définition du bar de façon claire et simple, explicite. Qu'il soit ouvert en soir ou en journée, qu'il serve du café ou de la bière, peu importe, c'est un bar. Le jeu, pour lui-même, on pourra dire que c'est du jeu de société à règles, on va dire, modernes. Ça veut dire qu'à moins de 15-20 ans, on pourra citer des jeux plus anciens, pourquoi pas des arcades ou ce genre de choses-là. On pourrait citer du billard. Est-ce que le billard, c'est un jeu ? On pourra citer le baby aussi, le baby foot. Moi, je me souviens de mon... ou le bowling, pourquoi pas. Tout ça sont des types de jeux aussi, le bar jeu vidéo, on en parlait à l'instant, mais pourquoi pas les jeux de hasard, tout ce qui va être loto, loterie, rapido, bingo et compagnie, c'est tous les trucs en haut, c'est ça. Voilà, tout ça sont des bars à jeux. Je réduis peut-être abusivement le mot jeu de société à jeu par ma pratique, par mon habitude, parce que je suis non seulement un passionné, mais un vecteur de jeu de société. Donc je vais mal... C'est un abus de langage de réduire le jeu de société à jeu. Il y a les bars à jeux, mais il y a aussi des jeux dans le bar. Et comment on différencie aussi cette nuance qui a toute son importance aussi, quand même ? Le jeu dans le bar, c'est un bar qui va proposer une activité, une animation ponctuelle autour du jeu. De la pratique du jeu. On pourra en citer sur Rennes, mais ailleurs, dans quasiment, je pense, toutes les agglomérations, des structures associatives ou commerciales qui vont dans des bars et qui présentent des jeux et qui font jouer une clientèle plus ou moins habituée, qui vient plus ou moins pour ça, ou parce qu'elle fréquente le bar habituellement. Ça, c'est du bar avec du jeu, ou c'est du jeu dans le bar. On va jouer alors qu'on est dans un bar. Maintenant, le bar à jeu, ou le bar à jeu de société, on va le dire jusqu'au bout, comme on essaie de le faire à l'heure du jeu, c'est un endroit dans lequel on a une bibliothèque en permanence et dans lequel les gens viennent peut-être avant tout, ou au moins en partie, parce qu'ils savent qu'ils vont y trouver du jeu ou une atmosphère propice au jeu. Alors, tu as réussi en assez peu de temps à dénombrer un nombre important de typologies de bars à jeux. On élargit même en allant chercher les bars qui proposent du jeu. Ça me semble impliquer une chose avant toute autre, c'est qu'on joue beaucoup dans les bars. Finalement, si on regarde toutes les typologies de jeux, quand on regarde de façon un peu large, plus les bars qui proposent du jeu de façon ponctuelle, ça fait beaucoup, beaucoup de bars où on peut jouer, plus ou moins régulièrement. On va chercher des questions peut-être pas évidentes, mais d'après toi, qu'est-ce qui fait que le bar a un terreau aussi fertile du jeu ? Je pense qu'on est... c'est une question à laquelle je n'étais pas préparé. Je vais dire des banalités, je pense, mais... Je pense que jouer est nécessaire. Je pense que la prise de risque, que la mise en perspective de certaines choses, la prise de recul, jouer est un plaisir nécessaire que parfois on nous fait quitter à un âge où on doit être grand. Mais malgré tout, ça revient, et malgré tout, ce besoin, je pense que c'est un vrai besoin d'une société moderne comme la nôtre, de jouer et de prendre du risque. Et quand je joue au casino, et quand je joue dans un bar à jeux, et quand je joue à ma console, et quand je joue, bref, je mets de la distance avec le monde dans lequel je vis. Et je pense que c'est avant tout ça qu'on va rechercher. Et aller dans un bar, peut-être le lieu... pas idéal, mais pas loin, dans lequel on prend de la distance avec son quotidien, dans lequel on peut retrouver des amis, des collègues, des gens qui vivent auprès de nous au quotidien, des voisins, où on pourra partager quelque chose de futile. Ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est que le jeu est une sorte de bulle dans notre quotidien, et le bar, le café, le bistrot aussi, on se retrouve. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, tu me corrigeras si je me trompe, que on est en manque de moments ou de lieux de rencontre. Les places maintenant sont vides, on ne fait que les traverser. Et est-ce que justement, comment on crée cet espace de rencontre, que ce soit physiquement, au niveau spatial dans le bar, mais aussi dans le jeu? Ouais, je pense que les villes sont pleines de gens qui s'ignorent, et je pense qu'effectivement un petit village peut être plus facilement avoir des lieux de rencontre autres que le bar. Maintenant, ouais, les villes sont un lieu propice à la solitude. Être trop nombreux, c'est souvent être, enfin c'est totalement bête ce que je dis, mais parce que c'est vraiment des généralités, mais oui, le bar est un lieu, et je pense depuis toujours, et je pense que c'est pour ça que les bars existent, dans lesquels les gens se retrouvent juste pour partager. On parle de conversations de bistrot, de comptoir, en parlant de peut-être ce que je suis en train de faire, à savoir dire des généralités, mais c'est oui, je pense que c'est un lieu nécessaire, vraiment nécessaire à la société. Je pense qu'il y en a eu d'autres par le passé, je pense qu'il peut y en avoir d'autres. On peut réfléchir à la façon avec laquelle les gens peuvent échanger. On peut parler de technologie de l'information aujourd'hui, par exemple, où on a daté là, le podcast de ce soir. Évidemment, les réseaux sociaux aujourd'hui prennent une part dans notre communication juste immense. On parlait juste avant d'enregistrer de couper Facebook et pas de couper mon téléphone. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe avec cette façon d'hyper communiquer. Il n'y a pas que les bars pour ça, mais c'est un lieu utile. Je ne sais pas si je réponds à la question. Et puis il y a eu une présence historique du jeu dans le bar, des choses dont on a parlé en préparant ce podcast. Si on remonte un petit peu, on va essayer de le faire en ordre antichronologique, avant les bars dédiés qu'on a pu trouver depuis je dirais une petite dizaine d'années maintenant. On a sur la fin des années 90 la grande période des bornes d'arcade, là où on en trouvait encore, parce qu'il y avait les salles d'arcade, mais évidemment aussi les bars. En remontant un petit peu, même si c'est des choses qu'on continue à trouver. Il y a bien évidemment, tu as cité le billard, le flipper, le baby-foot. Le billard, le flipper, le baby-foot, c'est quand même un peu la sainte trinité du bistrot. Et puis, encore avant, et sans rentrer dans l'anecdote personnelle nécessairement, et notamment y compris dans les petits villages, il y a quand même les gens qui se retrouvent le dimanche pour jouer à la belote ou au tarot ou à d'autres jeux. Et c'est des choses qui se perpétuent. Il y a vraiment comme ça historiquement quand je disais tout à l'heure un terreau fertile, le bar c'est aussi c'est l'endroit où on joue quoi. C'est vraiment cette idée de double bulle à chaque fois de bulle qu'est le jeu, qu'un temps en dehors du monde, et le bar qui est un lieu par nature de détente et justement de sortie du quotidien. C'est cette double coïncidence qui fonctionne si bien ensemble comme ça. Alors j'irai même plus loin quand tu dates les bars à jeux. À côté de Tunis, c'est une ville antique, une ville romaine, dans laquelle on retrouve dans un bar, dans une ancienne échoppe, un vrai jeu de société tel qu'on pourrait l'entendre aujourd'hui. Alors évidemment, son nom va m'échapper, je cherche mais je le retrouve plus. Mais... Alors c'est pas Carthage, mais c'est pas loin. Dans une ville vraiment romaine, on retrouve des jeux de société dans une échoppe. Donc on peut aller loin. Je pense que là, c'est pas un hasard si on retrouve du jeu dans un bar. Effectivement, je pense que la belote, le jeu de cartes, le jeu de comptoir, les jeux d'argent aussi, on pourrait en parler. Mais combien de temps, enfin. Ça existe peut-être moins aujourd'hui, mais on jouait la tournée, clairement. Enfin, c'est... Mais oui, et il n'y a pas si longtemps, et c'était une évidence qu'on jouait la tournée. Et voilà, on ne donnait pas forcément d'argent aux autres, mais on leur payait un coup. Je pense que ouais, ça va de soi, et c'est un lieu tellement propice à ça. Tu évoques Tunis, ça pose la question de géographiquement, quelles sont les autres expressions du bar à jeu ? Alors le bar à jeu de société moderne, je vais parler du jeu de société, hein. On en retrouve les tout premiers que tu n'as pas cités, c'était en Corée, à Séoul de mémoire, dans les années 80 déjà, alors que le jeu de société balbutiait. Évidemment, précurseur dans les jeux d'arcade, etc., bien avant les années 90 dont tu parlais. Mais oui, les premiers bars à jeux de société étaient en Corée. Il y a toujours, en Corée et au Japon, des pratiques culturelles autour du jeu de société importantes et historiques. Et ça favorisait forcément ce genre de lieu. Avec des populations importantes, avec une densité importante. J'ai perdu le fil de ma pensée. Non, en fait, je pose cette question parce que dans le jeu de société, on dit souvent qu'il y a les jeux à l'allemande et à l'américaine. Est-ce que justement, il y a cette culture ? Alors, je dirais qu'a priori, par exemple, le jeu à l'allemande est plus une pratique familiale, encore que. Qu'en est-il ? Quelqu'un qui connaît un peu les... Ah, on parle de typologie de jeu. Du coup, typologie de bar à l'étranger ? Oui, il y a différentes expressions. Je pense que, alors, pour le coup, je vais avoir du mal à faire de généralité. Le jeu de société aujourd'hui, le bar à jeu de société aujourd'hui, tel qu'il est fait, en tout cas dans ce que j'en ai comme connaissance, est issu et généré par l'équipe qui gère le bar. Ou par l'équipe qui anime, qui amène le jeu, hein, quand c'est une association. Clairement, quand une association vient avec du jeu dans certains bars, ou quand nous, on met en avant certains jeux, c'est parce qu'ils nous correspondent, et c'est parce qu'ils nous font envie, et c'est parce qu'on a envie de jouer à ça. On peut trouver, ici ou là, des bars ultra geeks, dans lesquels on va faire du jeu de société complexe, long, j'ai envie de dire fastidieux, dans lequel on trouve plaisir éventuellement, mais en tout cas c'est pas ce qu'on vit à l'heure du jeu, et c'est pas ce qu'on vivra à d'autres bars aussi, où il y a des moments de jeu notamment animés par une association ludique, où on est plutôt sur du jeu convivial. Voilà, alors je me fais ronronner dessus, j'ai envie de le dire parce que quand même c'est rigolo. Oui, on enregistre chez moi, et chez moi, on a une idée un peu spécifique de la convivialité. On envoie des chats sur les gens qui sont allergiques. Il y a aussi, effectivement, on a parlé des bars où on jouait de l'argent. Quand on parle de se retrouver, justement, il y a quand même une typologie de bar dont on ne peut pas ne pas parler, c'est le PMU, qui est un bar où on joue par nature, a priori plutôt sur les courses de chevaux, mais c'est quand même les bars aussi où on trouve de toute manière les jeux de loterie et les jeux de grattage. Il me semble, du peu que j'en connais et du peu que j'en ai observé, que là on est dans des pratiques beaucoup plus solitaires finalement du jeu. Je vais pas être d'accord encore. Oui, solitaire dans l'adrénaline, la prise de risque, l'enjeu que va susciter le pari, etc. Mais en même temps, alors, pour être issu de famille de joueurs, je pense que le PMU est un endroit dans lequel on parle des chevaux, on parle du terrain, on parle des choses, et du coup on a un terrain d'entente, un terrain de discussion qui va nous permettre d'engendrer des discussions avec des inconnus, des gens qui partagent juste la même passion. Et donc, je pense qu'au contraire, ça peut être un lien de convivialité. Ça, pas nécessairement. Et aujourd'hui, enfin, je ne connais pas les stats, hein. Je pense qu'il y a plus de joueurs de PMU en ligne que dans les bars. Où là, pour le coup, c'est clairement une prise de risque individuelle, une montée d'adrénaline qui nous est propre, mais qui n'est pas partagée. Mais quand tu regardes dans certains bars où il y a vraiment une culture du PMU. Les arrivées, les retransmissions, tu as la même fièvre que dans certains bars les soirs de Coupe du Monde. Tu as la même fièvre que on pourrait l'avoir dans le bar craft, dans certaines compétitions internationales, où les gens admirent, s'en attendent, ont pris un risque, ont misé. Et là, on partage quelque chose. On parle de sport collectif, là, de foot ou de rugby. Il y a aussi le pari sportif, qui est pour le coup pas un plaisir solitaire, parce qu'on va le faire en commun. Tu as évoqué au détour de ta réponse, qui était assez complète, merci. Tu as évoqué au détour de ta réponse les gens qui jouent au PMU chez eux. Ça m'amène sur la question de la spatialisation du jeu, ou de la géographie du jeu. Pendant un moment, on a dit, alors je n'ai pas réellement d'opinion sur le sujet, mais on a évoqué le fait que l'apparition des consoles personnelles et le développement des consoles personnelles avait été un peu la prémisse de la disparition des salles d'arcade. Aujourd'hui, on a des bars qui ouvrent dans lesquels on met en place des bandes d'arcade, mais aussi des ordinateurs personnels où on retrouve des choses qui sont effectivement un hybride entre ce qu'on avait au début d'Internet où les gens n'avaient pas de connexion chez eux, les cybercafés et puis le bar. Et effectivement, du coup, les cybercafés ont à peu près disparu à partir du moment où les gens ont des connexions chez eux. Le jeu de société, c'est quelque chose qui habituellement se pratique, enfin, dans l'imaginaire collectif, se pratique en famille. C'est un peu le jeu du dimanche qu'on sort. Alors pour le coup, c'est pas forcément des jeux récents non plus. Et puis oui, dans les barcraft, on trouve aussi des consoles. On trouve pas que des PC. Voilà, je retrouve le fil de ma pensée. J'ai l'impression que il y a un espèce d'aller-retour un peu étrange entre les pratiques de jeu qu'on peut avoir chez soi, les pratiques de jeu qu'on peut avoir à l'extérieur. À quoi ça tient le fait qu'on choisisse d'aller jouer dans un bar plutôt que dans son salon? Alors, ma réponse va être multiple. À quoi ça tient d'aller jouer dans un bar? Je pense qu'il peut y avoir deux vecteurs. Le premier, ça pourrait être la convivialité, l'atmosphère, de retrouver des gens dans un bar pour le bar. Parce que le bar est un lieu agréable, vivant, dynamique, ressourçant, qui nous fait la bulle dont on parlait tout à l'heure. Et si j'accueille des gens chez moi, je ne sors pas de chez moi. Je les convie dans mon univers, mais du coup, j'y reste. Je pense qu'il peut y avoir aussi une volonté de consommation différente du temps. Qui peut être pris, qu'on n'a pas forcément chez soi. Du temps, de la place aussi, il faut voir que nos appartements se réduisent et que c'est peut-être difficile d'accueillir du monde chez soi tout le temps. Je pense que c'est différents vecteurs. Ensuite, pourquoi jouer dans un bar? ou pourquoi choisir un bar pour jouer. Peut-être parce que on y découvrira d'autres pratiques, peut-être parce qu'on sera dans un terrain favorable à la pratique ludique, peut-être parce qu'on va nous aider à jouer aussi. Ça fait tout à fait transition avec ce que je voulais aborder, qui était en fait la, entre guillemets, la gestion du public, parce que effectivement dans un bar on n'est pas seul et des fois pris dans le jeu on peut avoir des excès. De toutes sortes, que ce soit de boissons ou de jeux. Comment ça se gère justement, et aussi peut-être, c'est très large, ça va autant de la simple excès de boissons ou du jeu, mais aussi du jeu d'argent, où parfois il faut calmer certains clients. Comment on pratique ça ? Je vais encore une fois être très modeste parce que non mais sérieusement, ce sont des les comportements excessifs. Je ne sais pas pourquoi j'ai la chance de pas avoir à les gérer. J'ai la chance d'être prémuni de ça. Le jeu d'argent, je crois que je n'en ai réellement jamais observé. Parfois, il y a du pari sur une conso, sur un verre, sur. C'est bon enfant, c'est amical, je l'ai toujours vécu, je l'ai vécu de deux côtés du bar, ça me gêne pas. Le jeu d'argent maladif qu'on pourra retrouver, qui est inquiétant, qui est une vraie pathologie, il va pas dans un bar à jeu, faut être honnête, c'est pas là où il va retrouver la sensation suffisante à sa déviance, à son problème, enfin, il est ailleurs. Donc ça, on va pas avoir à le gérer. Après, l'alcoolémie, la gestion de la consommation des gens, ça fait partie du métier du bar. Je pense que c'est vraiment inévitable. À partir du moment où on a un débit de boisson et on est ouvert tard le soir, ça s'apprend et ça se gère facilement. Enfin, c'est vraiment, c'est plus de la gestion humaine qu'autre chose. Mais du coup, est-ce qu'il y a pas une sociologie, mais un comportement spécifique du joueur en bar? Je suis tenté de penser que si on est fin sous, c'est beaucoup plus difficile d'aborder les règles de certains jeux de société, même pas nécessairement les plus compliqués, hein, même des choses assez basiques. Des fois, c'est quand même pas de la première évidence. Jungle Speed, passer un certain volume de bière devient un exercice assez périlleux. Alors, oui, c'est périlleux. Effectivement, je pense que parce qu'on vient jouer, on s'alcoolise moins que si on n'était pas venu pour ça. C'est vrai, c'est une évidence parce qu'on cherche à maintenir une performance, assez de lucidité pour arriver à comprendre et à maîtriser ce qu'on fait. Évidemment, l'alcool passant, évidemment, les risques de verre renversé, de chute, de divers problématiques qu'on peut retrouver, évidemment, ça s'accentue, mais c'est les aléas du jeu en bar. Et justement, dans les personnes qui viennent, alors elles boivent un peu moins que dans d'autres bars, a priori, est-ce qu'on a quand même une sociologie du joueur qui vient en bar, qu'on parle autant de d'âge, parce que je pense que c'est la première chose qui vient en tête, mais peut-être de sexe, de niveau d'études, niveau culturel, notion vague s'il en est, mais est-ce qu'on peut identifier un peu c'est quoi la typologie des personnes qui viennent jouer ? Qui viennent jouer en bar à jeux de société, je pense qu'on peut l'identifier. Je pense que par mes échanges avec d'autres confrères, à Grenoble notamment, ou à Bordeaux et à Rouen, on a une sociologie assez identifiable de notre clientèle. Oui, en gros, 25-35 ans, plutôt d'études supérieures, plutôt des technologies de la formation, plutôt enseignant. Et oui, voilà. Hein. Évidemment, on va dire une bêtise, mais sans enfant, parce qu'avec, c'est juste plus dur de sortir. Et jeune couple ou célibataire, peu importe, mais en tout cas, voilà. Et plutôt actif. Certains bars sont spécialisés dans des clientèles très jeunes, très étudiantes, très festives. C'est pas ce qu'on va retrouver en bar à jeux. On retrouve des populations légèrement plus âgées. Après, je pense que parce qu'on est à Rennes, parce que je discute avec des gens qui sont à Grenoble ou à Bordeaux, où les campus universitaires sont juste en proportion énorme, en proportion de la cité, de la taille de la ville, ou parce que, effectivement, la part d'emplois générée à Rennes par l'informatique, de façon globale, quelle qu'elle soit, comme à Grenoble, où il y a des grandes écoles d'ingénieurs, font que la cité étant proche, les gens qui la fréquentent le sont aussi. Rennes est une ville de jeunes et de geeks. Et la question qui vient très vite à l'esprit, c'est est-ce que les jeux qu'on y retrouve, c'est à cause... C'est un choix qui attire ce public-là ou c'est ce public-là qui fait ce choix de jeu ? Alors, il faudrait comparer pour ça la ludothèque que j'avais à l'ouverture du bar et la ludothèque que j'ai aujourd'hui. Et je pense qu'on verrait effectivement que je m'étais trompé. Peut-être naïvement, les premiers jeux auxquels on avait dans la ludothèque sont des jeux qu'on appréciait, et c'est des jeux auxquels on jouait, et c'est des jeux qui n'étaient pas forcément ce que recherchaient nos premiers clients. Et donc on s'est adapté. Par exemple, on a peut-être quintuplé nos jeux à deux. On a énormément de gens qui viennent à deux, qui viennent en couple ou entre amis, peu importe, peut-être les deux, mais à deux. Et ça, c'était vraiment une dimension à laquelle on n'avait pas. Ou alors des jeux où on est plus que 5 ou 6. Et du coup, c'est l'autre extrême. Et ces deux-là, ces deux catégories, les jeux à deux et les jeux où on peut être plus que 5-6, sont des parts importantes dans notre ludothèque par rapport à ce qui sort sur le marché. Ce qui sort sur le marché aujourd'hui, ça va être des jeux à 3-4, parce que c'est la typologie de la famille moyenne. Et donc, on n'est pour le coup pas du tout représentatif de ce qui sort sur le marché. Et j'imagine que du coup vous avez aussi, puisque Rennes est une ville de geeks, un certain nombre d'exemplaires de Ricochet Robot. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. On n'a pas parlé non plus plus que ça des filles et des garçons. Du peu que j'ai pu en observer, ça a l'air assez équitablement réparti. Je te laisserai répondre, je vais profiter tout de suite pour poser une deuxième question en même temps. Tu parlais des jeux qui marchent ou qui marchent moins bien en fonction du nombre, mais globalement, est-ce qu'il y a des jeux qui sont vraiment pas adaptés aux jeux en bar, tout simplement? Autant de filles que de garçons, oui, ça se vérifie notamment par nos statistiques Facebook. C'est bête, mais on a à peu près 3000 likes. Et quand on regarde les stats, c'est du 52-48, quoi. Donc, certaines soirées sont très typées. On commence à faire autre chose que du jeu de société, par exemple. On commence aussi, je vais parler des pratiques plutôt littéraires ou enfin des choses plus tournées vers l'écrit ou vers l'écriture de l'imaginaire. Et puis certains types de jeux aussi. Quand on met l'accent sur des initiations, sur des tournois, sur un type de jeu, on a généralement plutôt une fréquentation masculine. Quand on fait du généraliste, on a une population très mixte. Ça dépend de ce qu'on met en avant. Mais plutôt globalement mixte. Pour les types de jeux non adaptés, il y en a beaucoup. Mais ça dépend des structures. À l'heure du jeu, par exemple, il est inconcevable de faire des jeux de lancer. Parce que c'est juste trop petit et les gens, c'est très dense. Y a des tables un peu partout pour que les gens puissent s'installer et jouer. Donc non, pas de jeu de lancer, pas de jeu d'adresse, peu de jeux de figurines. Les jeux de figurines ont plusieurs particularités. Le problème demande beaucoup de place, demande un investissement important parce que c'est pas donné et un investissement en temps. Parce que généralement, c'est pas court comme type de jeu. Et du coup, c'est des jeux qui sont relativement peu joués, qu'on nous demande assez peu, et pour le coup, qu'on n'a pas. Donc, grosso modo, ces jeux de figurines, les jeux qui demandent beaucoup de place, beaucoup d'investissement, très compliqué. On parlait de jeu à l'allemande. Le jeu à l'allemande pur, qui est avec énormément de paramètres imbriqués, avec beaucoup de choses qui nécessitent de la réflexion à plusieurs tours. Comme on fait beaucoup de parties d'initiation, où les gens apprennent des jeux et persévèrent peu, c'est typiquement le jeu qu'on n'a pas. Mais c'est pas pour ça que c'est des jeux qui n'existent pas dans les bars. Dans d'autres bars, dans d'autres structures. Je peux évoquer l'auberge des voyages joueurs à Monteneuf, par exemple, qui est un lieu magnifique que j'aime énormément, qui est non loin de Rennes, au port de la forêt de Brocéliande, où pour le coup, ils ont du jeu de lancer, pour le coup, ils ont du jeu en bois surdimensionné, pour le coup, ils ont tout ce type de jeu parce qu'ils ont juste l'espace pour. Du jeu de figurines, on va en trouver dans certains endroits. En région parisienne, j'ai deux exemples. Et peut-être à Rouen, un exemple récent qui vient de se lancer, où pour le coup, ils se spécialisent, ou en tout cas, c'est l'univers parce que ça leur correspond aux gérants, à la personne qui anime le jeu. Et donc forcément, on va retrouver ce type de jeu. J'ai arrêté les figurines, j'avais 17 ans. Je m'y suis pas remis. J'ai une patience très limitée pour peindre mes figurines. Il y a un talent qui va avec. Donc, donc du coup, voilà, c'est pas des choses qu'on pratique. Ce rapport au jeu de lancer me fait penser à une anecdote. Ma grand-mère fut un temps tenait un bar sur les docks de Brest. Alors à l'époque c'était assez craignos comme coin, et elle disait qu'elle évitait à tout prix les jeux de fléchettes parce qu'elle avait peur que les mecs se lancent des fléchettes dans la tronche. Ça pose une question qui est celle de la... Je reviens un petit peu à la gestion du public parce qu'il y a quand même cette notion de sécurité aussi. Et malheureusement, les événements nous montrent que ça devient des problématiques quand même assez importantes. Je ne vous dirai pas la raison. Mais voilà, comment on assure peut-être la sécurité ou en tout cas du public, mais aussi du matériel, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. La figurine peut vite se perdre, se casser, et j'imagine que c'est une contrainte à prendre en compte aussi. J'ai du mal avec le mot sécurité. Alors, l'intégrité du jeu en lui-même, à partir d'un moment où on met un jeu dans un bar, il faut perdre la notion de bien matériel, il faut perdre la notion de le jeu va durer. Non, c'est pas fait pour ça. Si on met le jeu dans le bar, c'est pour qu'il soit joué, et s'il est joué, il est abîmé. Voilà. La durée de vie d'un double est assez réduite si on veut qu'il soit intact et sans rayures, par exemple. Mais c'est inhérent au fait qu'il soit joué. La notion aussi d'un jeu complet avec l'ensemble des éléments sans perte, tous les jours, on ramasse des pièces perdues. Et tous les jours on s'interroge sur l'origine des pièces perdues. mais oui, parce que 900 jeux, c'est un nombre innombrable de possibilités pour chacune d'entre elles. Et le petit cube vert vient-il de Concept ou de King of Tokyo? Ça, c'est... Voilà. On a peu de jeux complets à partir du moment où ils sont beaucoup joués, mais encore une fois c'est, comment dire, on fait juste la croix sur... Enfin, on sait que nos jeux sont joués, c'est la volonté, et donc on sait qu'ils seront dégradés. C'est inévitable. Si on n'avait pas voulu, on n'aurait pas mis de jeu, et puis c'est tout. Maintenant, l'intégrité des personnes et la sécurité des personnes, je pense qu'il n'y a juste aucun risque à prendre. Il n'y a juste aucune... Il y a... Comment dire, c'est évident que ça doit être un premier vecteur, et pour le coup je pense qu'on met tout en place pour l'assurer à tout moment. Évidemment on n'est jamais à l'abri d'un problème qui nous est pas imputable, d'événements extérieurs, mais rien n'est laissé de côté pour l'assurer. Pour conclure cette partie-là, enfin c'est par exemple voilà, éviter un jungle speed sur une table type bar. J'imagine que pour éviter les gens qui se cassent la figure, j'imagine qu'il y a des contraintes comme ça, peut-être des fonctions, des idées à trouver pour. Alors certains bars ont inventé des systèmes dans lesquels on clip les boissons sur le côté de la table avec une sorte de, pas des ramequins, mais de repose-verre intégré et dans lesquels ça peut pas tomber. Et ça dégage l'espace sur la table. Ça, c'est des choses qui existent, par exemple. Il y a des bars aussi qui évitent ou qui remplacent Alors pour le coup, on a invité récemment Tom Wierczek, qui est l'auteur du, enfin l'un des co-auteurs de Jungle Speed, et il y a des barres qui ont remplacé les totems en bois par du totem en plastique, et pour juste éviter les accidents. Mais au-delà de ces notions-là, j'ai pas d'exemple en tête. On répétera jamais assez que l'avantage du jeu de société sur le salafisme, c'est que dans Cash and Guns, les pistolets sont en mousse. Vous avez un fond de pas loin d'un millier de jeux. Ça ne vient pas gratuitement. Comment ça se passe? Vous avez des liens avec des éditeurs? Parce que c'est aussi un lieu de présentation de produits. Le jeu, c'était une création en soi, mais c'est aussi un produit commercialisé. Vous n'êtes pas une boutique. C'est compliqué de répondre à cette question et j'ai envie de les répondre en deux temps. D'abord, la première chose, c'est à partir du moment où je mets du jeu de société en ludothèque, en accès libre, les gens vont avoir un usage et je vais récolter de l'argent parce que les gens viennent faire usage de ce jeu de société. Dans quelle mesure et pour quelle raison je ne reverse aucun argent aux auteurs des jeux ? Dans quelle mesure et pour quelle raison il n'y a pas de SACEM du jeu de société? Pourquoi, à partir du moment où je diffuse de la musique, les auteurs et les interprètes et les compositeurs vont toucher quelques subsides en fonction de leur, non pas de leur talent, mais du fric qu'ils font? Dans quelle mesure, à partir du moment où je diffuse des œuvres cinématographiques, par exemple, ou théâtrales, des choses vont revenir, et c'est légitime, aux auteurs de ces films? En aucun cas, ça existe dans le domaine du jeu de société. Le jeu de société, dans son usage commercial, et non pas dans son usage privé, est gratuit. Pourquoi? Juste par souci de vide juridique, juste parce que rien n'existe pour protéger la création ludique et pour donner un vrai statut aux auteurs de jeux et un vrai statut aux éditeurs de jeux. Ça n'existe juste pas. Maintenant, ça ne répond pas à la question de comment je me fournis moi. Quel coût ça a? Est-ce que je fais de la pub pour les jeux? Est-ce que parce que les gens jouent, ils vont l'acheter? Je ne sais pas. En tout cas, oui, j'achète mes jeux. J'ai un partenariat avec une boutique de jeux locale. J'essaie de ne pas acheter de jeux sur Internet pour des raisons qui me sont propres. Non pas que ce sont des mauvais marchands, mais que je préfère donner mon argent à des gens qui me sont proches. Ça, c'est la première chose. Évidemment, comme je suis un gros client, ils me font une remise. Mais je pense que, comme ils le feront à n'importe quel autre gros client. Les éditeurs m'aident. Les éditeurs de jeux m'aident, oui. Depuis peu, parce que je me suis fait connaître, parce que je me suis fait apprécier, parce que je suis présent dans le monde du jeu régulièrement, pour qu'ils aient confiance en mon travail et qu'ils savent ce que je fais vraiment. Ils ne peuvent pas aider tout le monde. Le monde du jeu de société est un monde de fauchés, est un monde dans lequel il n'y a pas d'argent. Les éditeurs de jeux ne peuvent pas aider tous les gens qui font jouer les jeux. C'est juste impossible. Ils devraient envoyer peut-être autant d'exemplaires qu'ils en vendront. Donc c'est impossible. Maintenant, ils nous aident parfois en prêt. Je vais parler un exemple, mais on fait une animation autour d'un jeu. Récemment, on a invité un auteur de jeu, Julien Alain, qui sort un jeu à la fin du mois, Titan Race. On avait un exemplaire du jeu. Faire une soirée d'initiation avec un exemplaire, c'est juste pas possible. Alors l'auteur ramène son exemplaire. Youpi, on en a deux. Il y avait 30 joueurs. Donc, heureusement que l'éditeur m'a aidé et m'a envoyé des copies en prêt. Il m'envoie les copies et je prends sur mon argent pour lui renvoyer. C'est du prêt de jeu, on en a conscience. Mais ils savent que le jeu sera joué. Et du coup, c'est du gagnant-gagnant. Mais relativement peu, on m'offre des jeux et je trouve cela normal. Et je trouve cela à peine normal que je ne rétribue pas les auteurs de jeux. Mais alors économiquement, ça pose quand même quelques questions, parce que tu nous parles d'un lieu. où, en plus d'un bar normal, tu dois acheter les jeux. Et en plus d'un bar normal, les gens consomment moins parce qu'ils jouent. C'est un drôle de calcul économique. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça tient debout, cette histoire ? J'ai envie de répondre de façon humoristique en disant que j'exploite en fait des petits enfants qui travaillent dans la cave, mais je vais pas dire ça, on est peut-être écoutés. Comment ça tient économiquement ? En fait, c'est l'un des gros problèmes. Quand j'ai étudié le modèle des barrageux en France, des barrageux de société en France, je me suis rendu compte qu'au tournant des années 2010, un peu avant, il y avait eu plusieurs structures qui se sont montées et qui ont soit fermé, soit ont dû se réinventer. Je parlais de la Muscafé ou du Café des Jeux à Grenoble, la Muscafé à Bordeaux, Café des Jeux à Grenoble. Tous les deux ont dû, à un moment donné, pour vivre et pour survivre, devenir un resto-jeu. Et pas qu'un bar à jeux. L'activité restauration engendrant une brasserie le midi qui fait tourner la popote et qui fait, voilà, qui fait vivre le lieu économiquement. Ces deux lieux-là, je pense que si on leur ôtait la brasserie le midi, ne peuvent pas survivre. Ils le disent eux-mêmes. Il y a d'autres exemples. À Strasbourg, la Tarte aux Billes, qui a ouvert au même moment, en 2007-2008, qui a fermé au bout de 3 ans. Par faute d'activité économique, le problème, il est là, et le problème, il est toujours là. Je reçois, en ce moment, énormément de sollicitations sur mon modèle et sur pourquoi il fonctionne. Je pense que j'ai beaucoup de chance, et je pense que, peut-être que je travaille beaucoup aussi, mais j'ai beaucoup de chance d'être à Rennes, qui est une ville où la consommation est logique et peut-être importante, avec un panier moyen qui est peut-être supérieur à d'autres bars à jeux, avec peut-être aussi des habitudes de consommation et de sortie. On parlait de population peut-être plus aisée, et aussi comment dire, pas de CSP+, mais en tout cas de personnes éduquées, d'accord, qui ont fait de l'université, ou qui y sont allées, ou qui sont enseignants, ou qui sont... évidemment, ça aide. Évidemment, parce qu'on est à Rennes, c'est plus simple qu'ailleurs. Mais le bar à jeu est un modèle fragile, est un modèle peu pérenne, et dans lequel, il faut être honnête, hein, on ne s'enrichit pas. Pour reprendre le cas de Rennes, on arrive à 3 bars à jeux. Comment éviter le risque de saturation, et du coup comment se démarquer peut-être d'une forme de concurrence, même si je pense que tu ne les considères peut-être pas comme de la concurrence? Alors on va devoir les citer, les bars à jeux, hein, parce qu'on ne va pas être d'accord sur la définition du bar à jeux. Je pense qu'il y a énormément de bars à Rennes avec des jeux. Énormément. J'en ai au moins une quinzaine en tête. Des bars, pardon, dans lesquels il y a des pratiques ludiques plus ou moins ponctuelles, plus ou moins régulières. Il y en a là peut-être. Enfin voilà, je crois qu'il y a 130 débits de boissons à Rennes. Je pense qu'il y en a peut-être 30 qui n'ont aucune activité ludique. Donc voilà pourquoi je me démarque. En fait, la question, c'est qu'est-ce qui me démarque des autres bars ? J'ai 900 jeux, j'ai un calendrier d'animation ludique assez foisonnant, dans lequel on fait beaucoup de choses très diverses, très variées, peut-être un peu trop parfois pour certains, qui nous permettent de donner envie parfois aux gens de venir. Mais c'est ça qui nous démarque. Voilà, et c'est peut-être aussi parce que les gens m'aiment bien, parce que je suis quelqu'un de sympa et cool. C'est un bon argument. Je vais, on a parlé de jeux de société, pas mal, et c'est très bien parce que ça faisait un moment et ça nous manquait. On s'est arrêté un petit peu sur le jeu vidéo. Moi, j'ai une autre marotte dans la vie, c'est le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est pas un format facile pour les bars, je crois, quand même. Vous y essayez un petit peu, si je ne m'abuse. Parmi les autres bars à jeux, tant qu'à faire pour les citer, hein, sur Rennes, les 3 auxquels on pense avec Adrien, c'est le Warp Zone, donc le Barcraft Rennais, et puis le Sins 42 qui a ouvert plus récemment, qui a une activité aussi jeu significatif et pour le coup plus orienté jeu de rôle. J'ai pu y être témoin d'une pratique ludique que je ne connaissais pas jusqu'ici, à savoir que le barman faisait meneur de jeu d'une partie dont les clients étaient les joueurs, ce qui est en soi une approche tout à fait originale. Mais voilà, c'est un modèle un peu compliqué. Est-ce que c'est parce que par nature, le jeu de rôle n'est pas adapté au bar ou parce qu'il n'existe pas de jeu de rôle qui soit pensé pour pouvoir bien fonctionner dans un bar ? J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre, en fait. Je pense que le bar peut être un lieu de jeu de rôle. Le Sins 42 le montre, d'autres l'ont montré avant. J'aurais pu penser, on pourrait remonter au Troll Farceur qui faisait du jeu de rôle aussi en son temps. Je pense que le jeu de rôle peut être clairement adapté, et même encore plus que le jeu de société, à la pratique du bar. Notre problématique, à nous, à l'heure du jeu, pour véhiculer et pour faire jouer du jeu de rôle, c'est la présence simultanée de joueurs et de meneurs dans une durée très réduite, avec une obligation de fermeture à 1h du matin. En gros, les gens vont être disponibles pour jouer ensemble 3 ou 4 heures. Et pas forcément au même moment, donc ça veut dire que des campagnes ou même un jeu de rôle filé sur 3 ou 4 parties, c'est compliqué à organiser, ça va durer des mois. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est la durée de partie. Quand tu fais du jeu de rôle chez toi, que ça se finisse à 2 ou 3 heures du mat, c'est pas grave, parce que t'as pas l'obligation de fermeture à 1h. Après, ça peut être le dimanche après-midi, ça peut être certains moments où on est plus disponible et il n'y a pas ces contraintes horaires. Pour le voir au Sins 42, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, qu'il s'agit quand même de joueurs et de meneurs qui ont une pratique du jeu de rôle très... comment dire, en surface, qui vont pas forcément aller très loin dans le roleplay, qui vont pas aller forcément très loin dans des parties très suivies. Parfois, je me trompe. Je sais que le jeu de rôle de dimanche, par exemple, chez eux, ils ont des campagnes qui s'installent avec des joueurs et des meneurs qui suivent les choses et qui s'installent dans la durée. Eh ben, vraiment, félicitations à eux parce que on n'a pas réussi à le faire. Mais justement, quand je parlais de jeux adaptés, c'est aussi, c'est pas seulement dans la, c'est aussi dans les formats, dans les durées, peut-être des jeux qui proposent plus facilement des choses plus courtes et peut-être des jeux, alors il y a des choses qui existent un peu de façon expérimentale, mais des jeux sans meneur que l'on puisse présenter dans par exemple à l'heure du jeu ou dans un autre bar à jeu aussi facilement qu'on présenterait un Tokaido ou un Ticket to Ride, un jeu auquel on puisse dire aux gens voilà, vous allez incarner des personnages pendant 1 heure, et c'est des choses comme ça. C'est, vous recherchez un peu des formats de ce côté-là, de jeux un peu narratifs où les gens vont se raconter des histoires ensemble. Il y a déjà des choses qui se rapprochent un petit peu, il n'y a pas longtemps est sorti, si je ne m'abuse, Time Stories, qui rencontre son petit succès. Je vais revenir sur... Alors, avant de répondre à la question, je vais revenir sur la pratique du jeu de rôle en bar. Je vais citer à nouveau le Café des Jeux de Grenoble, qui est un lieu que j'aime beaucoup, avec des gens que j'aime beaucoup. Et Eric, qui est le cuisinier là-bas, est un féru de jeu de rôle, et quasiment tous les après-midi, ou presque après son service, à 14h, il mène des parties. Et c'est... Donc oui, ça peut être adapté et il peut y avoir évidemment du jeu de rôle dans les bars. Encore une fois, ça dépend, je pense, aussi des gens qui vivent le bar. J'ai fait un peu de jeu de rôle, un peu, par rapport à ma pratique de jeu de société. Je pense que ça contribue au fait que je méconnaisse les choses. Time Stories, ou le jeu de rôle, ou le jeu narratif... Il y a plusieurs choses qui sont en train d'être tentées, d'être menées, d'être... Voilà, Time Stories est un jeu qui... j'ignore les chiffres de vente. Nous, on l'a acheté, j'y ai joué. J'ai fait un scénario entier en grosso modo 5 heures. C'est donc pas adapté. J'ai pensé qu'on me le louerait, puisque je fais un tout petit peu de location de jeu. Ça n'est jamais arrivé. On me l'a demandé une fois. Je ne sais pas si c'est un jeu qui se diffuse dans la société ou pas. Y a d'autres jeux, je pensais à Pandemy Legacy par exemple, qui est sorti récemment, qui est un jeu, donc Pandemy, le jeu Pandemy de Matt Leacock, qui est sorti il y a quelques années déjà, un jeu coopératif, et il y a une boîte qui est sortie là il y a quelques semaines, Pandemy Legacy, dans lequel une même équipe de 4 joueurs grosso modo va tenter de mener une campagne sur plusieurs scénarios, 12 de mémoire, et va tenter de sauver le monde des désastres qui vont s'abattre sur lui, des désastres plutôt médicaux puisqu'on est en pandémie, et voilà, c'est typiquement le genre de jeu qu'on ne m'a pas demandé, parce que encore une fois, je pense que ça dépend de la sociologie et du type de joueur qui vient chez toi. À l'heure du jeu, en tout cas, on a un public plus casual qui cherche à se divertir, qui cherche à découvrir des jeux et qui cherche du loisir facile pour une bonne part. Je ne dis pas tout le monde, mais pour une bonne part. Et donc, ce n'est pas forcément adapté. Voilà. Je me rappelle, il y a encore quelques semaines avec Manuel, on discutait de pratiques de MJ, donc de maître de jeu quasiment professionnel. Il y a des gens qui, c'était le métier dans le bar, ils venaient, ils étaient payés pour ça. Je me dis que, en fait, ce que tu réalises, et toi et tes confrères, il y a quasiment de ça, parce qu'il y a aussi ce rôle de conseil, mine de rien, et de mener le jeu, expliquer les règles. Comment tu travailles ça? Parce que j'imagine que tu dois quand même tester les jeux, tu dois les connaître, bien les connaître quand même, pour pouvoir guider. Comment tu fais pour jouer à 900 jeux? Alors, encore une fois... Alors, j'ai envie de répondre à deux choses là, parce que moi j'y vois deux choses. Il y a deux pistes. D'abord, l'animateur professionnel. Certains modèles de bar à jeu, on ne l'a pas évoqué, font payer l'accès au jeu. C'est pas le nôtre, pour une raison qui nous est propre, mais en tout cas, c'était pas notre volonté initiale. Certains bar à jeu le font parce qu'il y a une présentation des jeux et parce que les jeux ont un coût. Voilà, bêtement, et peut-être que ça responsabilise les gens de payer, même symboliquement, quelques euros pour y avoir accès. Il y a aussi des bars à jeux plutôt outre-Atlantique, dont le modèle est de payer $5 canadiens, en l'occurrence, pour rentrer dans l'établissement, pour accéder au jeu, mais avec une team d'animateurs, avec les gourous, comme ils les appellent, où tu es sûr de pouvoir trouver un jeu pour toi et ton équipe et ton nombre, enfin tes amis, et tu es sûr qu'on pourra te l'expliquer. Et ça a un coût, forcément, ça a un coût. Il y en a plusieurs bars à jeux et quasiment tous les modèles outre-Atlantique sont comme celui-ci, ou même outre-Manche, parce qu'à Londres ou Oxford, etc., les bars à jeux font payer l'accès au jeu. Et c'est juste logique dans la tête des gens. Je pense que je ne suis pas sûr qu'en France et je ne suis pas sûr qu'à Rennes, on soit prêt à payer pour accéder à des jeux. C'est pour ça que je n'ai pas voulu le faire. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas d'animateur professionnel. Parce qu'on ne génère pas d'argent sur le jeu, à proprement parler. Maintenant, comment je fais, moi, à titre personnel, pour conseiller, orienter, expliquer les jeux? On en disait tout à l'heure, je crois que je l'ai dit, c'est une vraie passion, le jeu de société. Je vais aller jusqu'au bout. Et pas, le jeu de société est quelque chose qui me fait vivre dans tous les points de vue du terme. C'est mon revenu, mais c'est aussi ma passion. Et la partager est vraiment la source première de l'ouverture de l'heure du jeu. Si je n'avais pas cette passion et si je n'avais pas la volonté de la transmettre et de la faire partager, je n'aurais pas ouvert un bar à jeu. C'est donc très personnel, mais j'anime le jeu, je le vis, je l'apprends. Je n'aime pas le mot tester, mais c'est encore une fois, c'est le mot qui n'est pas élégant. Certains éditeurs, certains auteurs de jeux disent que, enfin, ce mot de test renvoie à la création du jeu et non pas au plaisir de jouer. Je fais une différence par contre entre deux types de moments, les moments où j'apprends un jeu dans le but de l'expliquer et les moments où je joue. C'est pas les mêmes moments et j'essaye au maximum de faire la distinction des deux. Régulièrement, tous mes lundis soirs sont pris par des soirées jeux. Et quasiment tous mes dimanches soirs aussi, soit quasiment tout mon temps libre. Donc, le temps, il est là. Alors, il y a des bars à jeux qui, en dehors de faire payer faire payer l'accès au jeu, ont aussi développé d'autres sources de revenus. Je pense notamment au Café Oya, qui est un des ancêtres, on va dire, du bar à jeu en France, en tout cas une de ses figures les plus connues, et qui s'est lancé à une époque où la diffusion du jeu de société en France était un peu moins large. Dans l'édition, ou en tout cas la diffusion française, la traduction des règles, je ne sais pas s'ils ont édité leur propre jeu, parce que j'imagine qu'effectivement, à force d'en tester plein, à force de les faire découvrir à des gens, on développe aussi une expertise et puis un réseau. Est-ce qu'il y a un pas, une marche assez simple à faire pour attaquer un peu de distribution, un peu de publication ou de création de jeux de société quand on tient un bar à jeux? La question m'amuse beaucoup. Alors, on va revenir sur le modèle de Oya, d'abord. Je crois qu'ils n'aiment pas qu'on dise le L apostrophe devant, ils disent Oya. Mais je les ai rencontrés à quelques occasions, et effectivement, c'est quasiment la préhistoire du bar à jeu à Rennes, en France, avec un établissement qui a plus de 20 ans, enfin un truc de fou, à l'époque où personne ne jouait à des jeux de société modernes. Ils ont distribué Ravensburger Allemagne en France pendant de nombreuses années. Ils l'ont donc traduit pour une bonne part. Et ils ont aussi importé, traduit certains éditeurs, Amigo par exemple, etc. Typiquement du jeu allemand, pas du jeu à l'allemande, comme on parlait de cube en bois et de gestion de programmation tout à l'heure, mais de jeux allemands, parce que pendant très longtemps, l'Allemagne a été la terre des publications et d'éditions du jeu de société en Europe, et vraiment a dominé le marché de façon très conséquente. Certains salons comme Essen, qui se tiennent en octobre tous les ans à Essen, sont le premier festival en termes d'affluence et de nombre d'éditeurs présents en Allemagne et en Europe. Du coup, ils ont traduit, importé, diffusé et revendu des jeux. Parce que quitte à les faire venir, autant les revendre. Ils ont un tout petit peu édité du jeu. Maintenant, est-ce que être dans un bar à jeux favorise l'édition de jeux? Christian Lemay, pour ne pas le citer, est québécois et est éditeur de jeux dans Le Scorpion Masqué. Il a des parts dans une maison de distribution de jeux qui s'appelle Le Valet de Cœur, et il vient d'ouvrir un bar à jeux qui s'appelle Le Colonel Moutarde. Je pense que moi-même, j'ai rejoint une équipe une équipe d'aventuriers ludiques, j'ai envie de dire ça comme ça, d'édition de jeux à Rennes, ou sur mes temps libres, j'édite des jeux. Quelques-uns, à travers la société Playhead Games. C'est des choses qui sont, comment dire, à partir du moment où tu mets la main sous le capot, tu as envie d'aller plus loin. Je pense que c'est vraiment, ça démange un peu les choses. Je connais beaucoup aussi d'endroits, de bar à jeux, où on est auteur de jeu. C'est pas mon cas, je suis pas game designer, mais Maxime Rambourg, par exemple, à Nancy, qui travaille dans un bar à jeux, La Fin de l'Ours, est auteur de jeu. Et d'ailleurs, sort à la fin du mois de novembre un super jeu qui s'appelle The Big Book of Madness. Donc voilà. Non. Ouais, je pense qu'il y a des liens évidents et des passerelles qui se font. Le monde du jeu est tout petit. Autre passerelle qui me pose question, tu parlais de la domination jusqu'à il y a quelques années de l'Allemagne sur le marché du jeu. C'est des choses qui sont en train de beaucoup bouger en Europe. Il me semble que la France tire assez bien son épingle du jeu, si je peux me fier à quelques Spiel des Jahres qui sont tombés dans l'escarcelle de créateurs français notamment. Des boîtes comme Asmodée ou Libellude ont réussi quelques jolis cartons internationaux. Ce développement global de jeux, et notamment de jeux de création française, quel rapport ça a avec l'essor des bars à jeux? Il y a plus de gens qui jouent, donc il y a plus de gens qui créent, il y a plus de gens qui créent, et il y a des lieux de diffusion qui du coup finissent naturellement par émerger. J'imagine que tout ça se met un peu en place, le public s'amasse, les créateurs sont plus présents, les lieux de diffusion aussi. Il y a quelque chose qui se met en place là-dessus. C'est quoi? C'est l'émergence d'une reconnaissance du jeu comme activité culturelle? Malheureusement, on n'est pas encore là, mais je pense... Alors, il y a beaucoup de choses à dire, là. Je vais parler des ludothèques. On n'en a pas parlé. Ludothèques ont grosso modo une trentaine d'années en France. Ce ne sont pas des bars à jeux, ce sont des endroits dans lesquels on fait jouer les familles en premier lieu. Moi-même, j'ai fréquenté la maison des jeux de Tours quand j'étais tout petit. Et c'est une excellente ludothèque. Je pense que la pratique du jeu de société, à travers ces structures-là, est une part importante de cette diffusion. Vraiment, il faut reconnaître que les ludothécaires font un travail fabuleux de médiatisation du jeu de société en France, auprès des familles, essentiellement. Mais voilà, les enfants d'hier sont nos trentenaires d'aujourd'hui. On a d'abord ça. Ensuite, la diffusion du jeu de société dans la société, enfin, dans cette société, ou plutôt la reconnaissance. Enfin, il y a plusieurs choses dans ta question, elle était longue. Je suis désolé, je vais revenir sur l'Allemagne d'abord. L'Allemagne a un problème, et l'Allemagne, le marché de l'Allemagne s'effondre parce qu'il y a un problème d'argent, parce qu'il y a un problème de distribution, parce qu'il y a un problème de boutique de jeux. La chance de la France, c'est d'avoir un réseau de boutiques hyper spécialisées en centre-ville, très développé. Il y a à peu près 400 boutiques hyper spé, sans compter les librairies qui font du jeu, sans compter les petites boutiques qui font du jouet avec du jeu. Il y a le réseau de distribution du jeu, commercialement, est hyper développé, riche et très multiple, ce qui n'est plus le cas en Allemagne. Il est là le gros problème. Du marché allemand, et aujourd'hui le gros problème du marché allemand, c'est le Spiel dont tu as parlé il y a 30 secondes. Ce Spiel fait un carton en Allemagne. Il y a quelques années, c'était Annaby qui l'a eu, par exemple, d'Antoine Boza, un Français. Le jeu en Allemagne, je ne veux pas dire de bêtises, mais tu le retrouvais en station service à quelques euros, parce qu'il avait eu le macaron Spiel. Ça a suffi, évidemment, il y a eu plus d'un million d'exemplaires vendus. Oui, mais à quel prix? Oui, mais dans quelles conditions? C'est une vraie question et c'est une vraie interrogation. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. En tout cas, ça tue le marché allemand. Et ça le rend d'une surproduction massive, comme on peut le connaître dans le monde de la BD, par exemple. Donc c'est vraiment dangereux. Le marché francophone, Il faut le différencier à travers les éditeurs et les distributeurs, c'est pas la même chose. Libellude, par exemple, qui a eu quelques succès, ou Colt Express, par exemple, qui est évidemment, leur nom m'échappe, mais qui ont eu des prix cette année, sont les Ludonautes, ça me revient. Ils font un travail remarquable d'édition, de diffusion et de promotion du jeu de société. Et je pense que leur talent est récompensé et que leur travail est récompensé par des ventes et par des prix qui sont diffusés maintenant à travers les bars à jeux, à travers les boutiques hyper spé, à travers les ludothèques auprès de la société. Et c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. La création... Tu parlais des auteurs de jeux, tu parlais de la reconnaissance de l'auteur de jeu. C'est un autre débat, c'est un autre problème qui lui-même pourrait mériter un podcast. La question de l'auteur. Et il y a. Je vais faire une réponse courte. Je pense que à partir du moment où on joue massivement, à partir de la création de jeu est une tentation légitime. Au même titre que quand tu lis, tu as envie d'écrire. Au même titre que quand tu admire des tableaux ou des œuvres, t'as envie de peindre. Et c'est pas parce que tu peins ou que t'écris que t'es un peintre ou un écrivain. Je vais juste m'arrêter là. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui créent des jeux. C'est bien. Peu qui en vivent. On a parlé un peu commerce, mine de rien. Et pour donner un ordre d'idée, pour que les gens se rendent compte... On estime à combien de ventes un succès en jeu de société. C'est juste pour que les gens réalisent aussi à quel point c'est un milieu compliqué. Alors, il n'y a pas de juste milieu. Le tirage, ouais, il n'y a pas de juste milieu. Les tirages récents, normaux, d'un jeu de société par un éditeur plutôt en place, c'est entre 2 et 5 000 pièces pour un territoire comme la France. 5 000 pièces, d'accord ? C'est rien. C'est... Si on divise par 100 départements, ça fait combien ? Enfin, c'est rien. Maintenant, un beau succès, à partir de 10 000, 15 000 pièces, ça commence à être un succès certain. Ça veut dire qu'il y a eu au moins 2 tirages, ça veut dire que, voilà, il y a peut-être une extension qui est en cours de travail. Après, évidemment, il y a des exceptions qui sont à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Mais comme je viens de le dire, c'est une exception. C'est pour ça que je faisais le parallèle, enfin que je posais la question du produit culturel, parce que pour le coup, le parallèle avec notamment la littérature est assez évident, où on est dans des chiffres qui sont sinon similaires, du moins comparables. On est arrivé à un peu plus d'une heure de podcast. On a eu l'occasion de pas mal défricher un certain nombre de questions. Adrien, me semble-t-il, tu en as une dernière ? Oui, non, avant la traditionnelle. C'est oui, en fait, on a vu donc que en tout cas en France, le jeu de société était en pleine expansion, même si c'est peut-être à relativiser au vu les chiffres. Et c'est vrai qu'on a un peu cette image un peu presque enfantine du jeu de société. Et je me rappelle quand on avait rencontré Mathieu Triclot, il disait que les jeux de société, ça l'évoquait, c'est ces rendez-vous familiaux un peu obligés sur « ouais, on va faire du jeu de société ». Un peu, voilà, une image de publicité un peu démodée. Mais voilà, et peut-être comment ça évolue selon toi et comment ça va évoluer selon les éléments un peu que spécifique que tu peux avoir en interne. Bien. Je vais essayer de dire un peu plus que ça, mais je pense qu'il y a de l'avenir dans le jeu de société, mais de l'avenir modeste. On va parler... Il y a peu de reconnaissance, ça reste une pratique de loisir dans laquelle les gens sont peu enclins, je pense, à investir. Et donc... nécessairement, ça va rester modeste. Mais je pense que c'est parce que ça va rester modeste que ça va rester aussi bien, aussi serein, aussi un petit milieu où il y a peu d'acteurs. C'est pas pour me préserver, c'est pas parce que... Voilà, mais c'est juste que c'est pas évident. Et que c'est de longue haleine et beaucoup de travail. Mais je pense que ça va évoluer bien parce que les trentenaires qui jouent aujourd'hui vont former des générations de joueurs dans lesquels on n'aura pas l'image que jouer c'est pour les enfants ou jouer c'est barbant, voire les deux. Et on aura, je pense, des générations futures qui sont en train d'arriver, natifs de jeux vidéo, natifs de pratiques ludiques diverses, dans lequel l'image du jeu de société aura une meilleure image que celle qu'on a pu véhiculer. Les ludothécaires ont fait un premier travail, les barrageux ont fait un second. Il y a une multiplicité des ouvertures de barrageux. On n'a pas parlé, mais il y a vraiment, en ce moment, on vit vraiment une période d'ouverture massive de Barcraft et de barrageux de société. J'espère que tous pourront survivre. Je leur souhaite beaucoup de courage. Mais en tout cas, c'est des pratiques qui ne peuvent que, à mon avis, se diffuser dans le bon sens. Je vais laisser Emmanuel, du coup, poser la question de conclusion. Ah, et puis là, en plus, avec un peu de chance, on aura des réponses différentes de d'habitude. Notre question traditionnelle, mon cher Xavier, c'est à quoi est-ce que tu joues en ce moment, évidemment. Alors, raconte-nous à quoi tu joues en ce moment. C'est quoi tes coups de cœur du moment ? J'aime beaucoup les jeux de cartes, combinatoires, plutôt faciles avec des parties plutôt courtes. Donc j'ai cité The Big Book of Madness, je vais le reciter, ça sort à la fin du mois, c'est juste fabuleux. The Big Book of... Je peux en dire deux mots ou c'est vraiment la fin ? J'en dis deux mots. Big Book of Madness, c'est une sorte de deck building coopératif. Dans lequel on incarne une équipe de magiciens au collège de magie. on est en deuxième année, on se fait chier, on apprend des sorts de merde. Du coup, on va à la bibliothèque, histoire d'apprendre des sorts fabuleux. Et là, on ouvre le grand livre de la folie, dans lequel des créatures s'échappent et vont tenter de nous rendre fous. C'est un jeu coopératif avec des cartes combinatoires dans lesquelles on va pouvoir lancer des sorts, pas très puissants, histoire de pas devenir fou. C'est un jeu avec une vraie tension, avec un paramètre coopératif juste fabuleux. C'est très bien rendu. Des illustrations de Naiad qu'on connaît peut-être par ses créations passées. Un jeu de Maxime Rambourg qui sort à la fin du mois. Voilà. Très très bon. J'ai acheté tout à l'heure un jeu qui s'appelle Smash Up. Smash Up est un jeu ancien de combinaison de cartes qui vient de sortir une nouvelle extension, la 5 ou 6e, histoire de prendre tout notre argent. c'est le jeu. Smash Up est un jeu de cartes combinatoire dans lequel on va mélanger deux factions, deux peuples, histoire de créer un peuple unique et de poutrer la gueule de l'autre en tentant de conquérir le monde. Très moral, et dans lequel il y a de nombreuses factions, de base les extraterrestres, les plantes carnivores, les zombies, les fantômes, les vampires. Et là, ils viennent de sortir une extension trop mignon avec les poneys, les fées, les princesses et les chatons. Donc, c'était donc indispensable à l'heure du jeu. Et alors, un vieux classique que tu ressors tout le temps avec plaisir? La notion du classique est compliquée parce que pour moi, ça va être Dominion. Et Dominion, un grand classique, mais ça doit être sorti il y a moins de 10 ans. Mais pour moi, c'est déjà un classique. C'est la préhistoire du jeu il y a 10 ans. Donc, mais oui, Dominion, un grand classique. Ou Seven Wonders. Donc des jeux de draft, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler si un jour on décroche Antoine Boza en podcast, on le cuisinera sur le sujet. On arrive au bout de ce 19e, 20e numéro, deuxième bougie, de Ludologie. Le sujet du jour, c'était est-ce que le bar est le meilleur endroit possible pour jouer ? A priori, on est tenté de penser que oui, après 7 heures et quelques minutes de podcast. En tout cas, c'est un bon endroit pour se retrouver, c'est un bon endroit pour boire des coups. Tout ce qu'on peut vous recommander, évidemment, c'est de continuer à jouer d'ici le premier numéro, à jouer chez vous, mais aussi à jouer dans les bars, que ce soit des bars à jeux, que ce soit pas des bars à jeux. Vous pouvez toujours ramener les vôtres de toute manière. Mettez-vous en terrasse, commandez-vous un verre de vin, un Diabolo, une bière, ce que vous voulez, et puis jouez avec des gens que vous connaissez, éventuellement même avec des gens que vous connaissez pas. Ce sera l'occasion de faire des rencontres. Après tout, les bars, ça sert à ça, et puis les jeux aussi.